Laisse-moi guider tes pas dans l'existence. Laisse-moi la chance de me faire aimer. Viens comme une enfant au creux de mon épaule. Laisse-moi le rôle de te faire oublier. Le temps qui va, le temps qui sommeille, le temps sans joie, le temps des merveilles, le temps d'un jour, temps d'une seconde, le temps qui court, ou celui qui gronde. Le temps, et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps passé, celui qui va naître, le temps d'aimer et de disparaître, le temps des pleurs, le temps de la chance, le temps qui meurt, le temps des vacances. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps glorieux, le temps d'avant-guerre, le temps des jeux, le temps des affaires, le temps joyeux, le temps des mensonges, le temps frileux et le temps des songes. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps des crues, le temps des folies, le temps perdu, le temps de la vie, le temps qui vient, jamais ne s'arrête, et je sais bien que la vie est faite du temps des.